dime, cuando corté y un bebé, a ver si lo moverase, te vivo en la que como sé, con DJ y ante placer, y dime todo lo traumé, así de esto no me ve, te le veo por ti un rey, así de esto no me ve, te le veo por ti un thank you. wap chivon men le grip nan Mi wap fen le de Don pe le de Mwen pe le Non chéri, ouais, il faut mal, ouais, pas foutu, oui, ouais, mettre tiré, dit, ouais, voilà, j'aime, monsieur, ouais, jusqu'il va arriver, ouais, tu peux même, ouais, tu peux même. Non chéri, ouais, il vaut mal, ouais, pas vous tout oui, ouais, mais que tu veux mou, ouais, on l'a jeté, ouais, juste qui bon vivre, ouais. Du tout.